à Saint-Cadou, pays de la Gadoue, y a une patronne qui s'appelle Simone. Elle sert les verres, les mains pleines de terre, les bottes aux pieds comme sur les chantiers. Le nom de son bar, c'est Saint-Hubert. Son chien d'attaque, c'est un Yorkshire. Aussi relax qu'un bulldozer, aussi calme qu'un grabataire. Si vous voulez manger un bout, asseyez-vous, goûtez son ragoût. Du fish and chips ressemble en plus à une vieille quiche qu'a du merlu. Ici les lois ne passent pas, on peut fumer les doigts dans le nez. Nous reviendrons à Saint-Cadou faire les cons en dehors des clous. C'est plus kiffant qu'à Katmandou. Nous reviendrons à Saint-Cadou.